fais ton cœur, surtout n'aie pas peur, car je veux guérir ton malheur en douceur. Une rivière de larmes sillonne ton visage si doux. Laisse-moi te soigner. Oh non, ne pleure pas. Oh non, je t'en supplie. Il ne te mérite pas. Je sais, je le sens au plus profond de moi. Je suis celui qu'il te faut. Tu peux me croire, tu peux me croire. Fragile.